Présentation succincte de Jean Itard, source Wikipédia. Jean-Marc Gaspard Itard, né le 24 avril 1774 à Oraison en Provence et meurt à l'âge de 64 ans le 5 juillet 1838 à Paris. Médecin français du XIXe siècle, spécialiste de la surdité et de l'éducation spécialisée, il se rend célèbre par son travail sur le cas de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Pionnier de l'otorhinolaryngologie, il est considéré comme le créateur de la première école française d'otologie, branche de la médecine spécialisée dans le diagnostic et le traitement des troubles de l'oreille. Il est aussi le fondateur de la psychiatrie de l'enfant et a contribué à la nosologie de la maladie de Gilles de la Tourette. Il fait ses études au collège de Riez, puis chez les oratoriens à Marseille jusqu'en 1789. Il devient, en 1793, pendant le siège de Toulon, l'assistant de Vincent Arnoux, directeur de l'hôpital militaire et ami de la famille, et suit, à partir de 1795, les cours de chirurgie de Dominique-Jean Larré, d'abord à Toulon, puis à Paris au Val-de-Grâce. Il y réussit le concours de chirurgien de deuxième classe. Il n'avait pas achevé encore ses études de médecine en 1800, il ne sera médecin que 2 ans plus tard, lorsqu'il se vit confier par l'abbé Sicard, directeur de l'institution des sourds-muets de la rue Saint-Jacques à Paris, la responsabilité de celui qu'on appelait l'enfant sauvage de l'Aveyron. Membre, comme Sicard, de la Société des observateurs de l'homme, il passe à la postérité pour le grand public grâce à son mémoire et à son rapport sur l'éducation de l'enfant sauvage. Il conduit sa recherche-action initiale en s'inspirant de la philosophie de John Locke et d'Étienne Bonneau de Condillac, mais aussi dans le contexte des débats qui agitaient les tenants de la construction d'une science générale de l'homme. Le développement des fonctions linguistiques et cognitives y tenait alors une place importante. Il s'intéresse particulièrement à la démutisation des sourds et à la rééducation du bégaiement. Médecin de l'Institut des sourds-muets de Paris, aujourd'hui l'Institut national des jeunes sourds, il est l'auteur d'un nombre important d'articles scientifiques dans divers domaines de la médecine, otologie, audiologie, phoniatrie et neurologie. Dans un mémoire sur quelques fonctions involontaires des appareils de la locomotion, de l'appréhension de la voix, Itard donne la première description médicale des tics symptomatiques d'une maladie au travers du cas de la jeune marquise de Dampierre qui manifestait des spasmes involontaires convulsifs et produisait des cris bizarres et des mots qui n'avaient aucun sens, mais sans délire et sans trouble des facultés mentales. Ses travaux serviront de base à la définition de la maladie de Gilles de la Tourette 60 ans plus tard. Jean Itard était membre de la Société médicale de Paris. Victor a fait l'objet d'un film de François Truffaut, sorti en 1970, L'enfant sauvage, qui a fortement contribué à la renommée de son histoire. Sur les enfants sauvages, on pourra également se référer à Wikipédia, à la rubrique « Enfants sauvages ». Différents cas y sont succinctement présentés, dont le fameux Caspar Hauser, découvert à l'âge d'environ 17 ans, une trentaine d'années après Victor. Lui-même a fait l'objet d'un film de Werner Herzog en 1974 intitulé « L'énigme de Caspar Hauser ».